bandit, voyou, voleur, schnappant. Enfin construit des prisons pour les enfants. Ils mangent trop de bonbons, les piquent à leurs pauvres parents. Voyez comme ils rôdent avec leurs pantalons trop grands. Le soir dans nos rues, un couteau entre les dents. Leur marche féline cache de troubles agissements. Un jeu satanique au pire, un ennui dévorant. Il faut le reconnaître maintenant. Les enfants sont méchants. Cause bien des tourments. Il faut le reconnaître, les enfants sont violents. Nous avons faim pour surveiller chaque enfant. Une brigade spéciale aux flingues impressionnants. Il fallait bien ça maintenant dès qu'ils ont 2 ans. Ils jettent des pierres, crachent de haut sur les passants. Vont sonner aux portes et puis s'enfuient en courant. Et quant à l'école, ils n'y vont qu'en rechignant. Il faut le reconnaître maintenant. Les enfants sont méchants. Parle mal le français, nous cause bien des tourments. Il faut le reconnaître, les enfants sont violents. On punit un peu les flics effaceurs d'enfants. Les gommeurs de gosses vont au procès en pleurant. Ont beaucoup souffert, jure qu'ils y pensent tout le temps. Sont privés de serre durant tout un mois courant. Et en plus de ça, se font gronder par leur maman. Mais savent qu'offre le pouvoir est reconnaissant. Il faut le reconnaître maintenant. Les enfants sont méchants. Parle mal le français, nous cause bien